Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Minnesota. Bonsoir Romain. We are back. Yes. Yes. And this is Saturday morning and we are pre-recording for our Tuesday night show. Thank you for tuning in. And we just had a crazy piece of news about an hour ago. As you can tell, we are quite pumped up. Yes. And very excited to hear the results after this long, long, long wait. Yes. And it feels like America redeemed its soul again. Yeah. And when you read the, you know, like tweets and from friends, they're all ecstatic. So it's not, you know, what's going on is not just within our borders, but it expands worldwide, of course, knowing what's at stake. So exactly. So I was looking at a little poll that was done. I think it might have been by Bloomberg, but it was how would the world vote? And it goes through a list of countries. And for France, the estimate that was 50% for Biden and 10% for Trump. 10% for Trump? Yeah. Sweden, which is the highest, 73% Biden, 10% Trump. Yeah, and the lowest, watch for the lowest three countries were Russia, of course, mm-hmm. favored Trump by 27% against 13. Poland, 27% each. And Turkey was barely there with 30% for Biden and 27% for Trump. Mm. That was a little world poll. Yeah, interesting to have an international perspective like that. Yeah, I think. Yeah. So I got an email from Ramsey County because I participated as a poll worker on Tuesday. And it was the highest voter turnout, the highest number of ballot casts for Ramsey County ever. They had more than 297,000 votes. It's the national. So that's not surprising that at the local level, we also see those records. Yeah. Yeah. I read from Steve Simon, the Secretary of State in Minnesota, that about, I think, 75%. Last I heard of the voters in Minnesota voted. That's just amazing. Yeah. Mm. Yeah. Interesting. Yeah. They were, of course, recommending that people who were poll workers get tested for COVID as well. So. So I might do that. Excellent. So we're going to have a playlist on trend as well? Yeah, we will. We will about voting, liberty, and that sort of thing. Victory. So. Yeah, something like that. Yeah. So, yeah. Otherwise, it's pretty quiet. I mean, there's not it's a lot of quiet and warm this week. It is really warm. Oh, my goodness. 75 degrees throughout the week, pretty much. And, so we'll see. I think on Tuesday night, it might be a little chillier, maybe even some snow. We'll see. Yeah, they're talking about a little bit of snow, but we'll see. So yeah, last week was off for Bonjour Minnesota, but we're back on and still doing it from home in order to be safe. But we'll be there and we'll put some music in French from different countries. And which is what we like to do. Yes, exactly. Yes. And on Bonjour Minnesota. The next French Influences is going to be a new one because now I'm doing it like twice a month. And last week on Thursday, it was number six. So every Thursday at 12 o'clock, there's a French Influences playing on the KFAI alternate stream feed. And online? Yeah. I provide the link when I share it on Facebook. The link is a little bit long. And I don't know that we have the KFAI alternate display, the link displayed on KFAI.org. So for those who don't have Facebook, how can I access it? They get Facebook. You get Facebook and follow Bonjour Minnesota page. Yes. Yeah. Yes. That's the only way. As easy as you That's can it. Get it. Yes. Yeah. So. And it's free. Free accounts, by the way. On exactly. Facebook. So yeah, okay. So a new one, and I think that's about it. All right. Let's listen. Oui, c'est parti, mon kiki. On y va. The first song we're going to listen to is a very uplifting song. It's from Patrick Sébastien, and it's called "On a gagné ce soir." Tonight we won, and he described this song as being one to celebrate whatever victory or things that we want to celebrate. Then we're going to listen to Franck Coty, and you might not have heard about this person, but he's doing a cover of Queen, We Are the Champions, but in French. Then we're going to listen to La Chanson du Dimanche, which is a band that we've heard before on different topics, and this topic is to vote. You vote. Allez, musique! Allez, venez, venez, danseurs! Une victoire, un jour de gloire sur le terrain. Une promo, une bonne affaire, un examen. On va pas se quitter comme ça, on va continuer la joie en montant sur les tables et en levant les bras. On a gagné ce soir, on va danser ce soir en chantant la la la la la jusqu'au petit matin. On a gagné ce soir, on va danser ce soir. On va se mettre sur le toit et taper dans les mains. On a gagné ce soir, on fait la fête ce soir en chantant la la la la la. On l'a gagné ce soir, rien nous arrête ce soir. On lève nos verres aux amis jusqu'au bout de la vie. On se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève. Un mariage, une feria, un petit bébé. On va pas se quitter comme ça, on va continuer la joie en montant sur les tables et en levant les bras. On a gagné ce soir, on va lancer ce soir en chantant la la la la la la jusqu'au petit matin. On a gagné ce soir, on va lancer ce soir. On va se mettre sur le toit et taper dans les mains. On a gagné ce soir, on fait la fête ce soir en chantant la la la la la la jusqu'au bout de la nuit. On a gagné ce soir, rien nous arrête. On lève nos verres aux amis jusqu'au bout de la vie. On se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève et on saute. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Les artistes qui ont fait le spectacle ce soir. J'ai payé mes dettes dans un printemps. J'ai fait ma sentence, mais commis aucun crime. Et par erreur, j'en ai fait un peu. J'ai eu ma part de sable dans le visage, mais j'ai surmonté. Merci tous, mais ce n'est pas un lit de rose, ni une croisière de plaisance. Je considère que c'est un défi avant tout la race humaine, et je ne veux pas perdre. La pêche. La politique, ça t'intéresse. Le sort des Français en aimant. Tu as lu un jour dans la presse un truc très très intéressant. Et même si tu t'en souviens plus, tu es vraiment très convaincant. Ah ça y est, tu m'as convaincu. La politique, c'est important. Tu votes utile, tu votes en touche, tu votes pour le jazz manouche, tu votes parce que c'est bien délire, tu votes et ça te fait bien rire, tu votes facho, tu votes sarco, tu votes banal, tu votes royal, tu votes la haine, tu votes Le Pen, tu votes tout mou, tu votes Bayrou, tu votes news, tu votes Rambous, tu votes pâté, tu votes mauvais, tu votes pompette, tu votes Arlette, tu votes propret, tu votes boiné. Ça t'intéresse, faut dire que c'est très intéressant. Y'a du pognon, y'a du business et plein d'autres trucs intéressants. Et même si ça ne sert à rien, tu votes parce que tu le vois bien. La politique, ça t'intéresse, le sort des Français en dépend. Tu votes utile, tu votes en touche, tu votes pour le jazz manouche. Tu votes parce que c'est bien délire, tu votes que ça te fait bien rire. Tu votes facho, tu votes sarco, tu votes banal, tu votes royal, tu votes la haine, tu votes Le Pen, tu votes tout mou, tu votes Bayrou, tu votes pourri, votes Chivari, tu votes Teubé, votes De Villiers, tu votes Genot, votes Besancenot, tu votes Mémé, tu votes Buffet. Et si t'as pas le temps de lire, alors écoute cette chanson. La politique, ça te fait bien rire. Même si ça fait pas mal aux fesses, non. Ça fait 2, 3, hey. Mal aux yeux. Mal aux yeux. T'as mal aux yeux. T'as mal aux yeux. Oh, oh. T'as mal aux yeux. À la piscine. T'as mal aux yeux. À la cantine. T'as mal aux yeux. Dans l'isoloir. T'as mal aux yeux. Dans ton couloir et pourtant tu vas voter. Ouais. Ouais. Tu vas voter. Ouais. Tu vas voter. Ouais. Tu vas voter. Oh. Ouais. Ça te dit. Va voter. C'est bon. Elle va voter. Ouais. Où qui va voter. Le Pen il va voter. Il va monter à droite, go, il va monter à gauche, ça le bail où il va monter à droite, le Ben il va monter à droite aussi. Merci. Pas mal aux yeux. Et la semaine prochaine. Pas mal aux yeux. It was Patrick Sébastien with On a gagné ce soir, Frank Coty with We are the champions, and la chanson du dimanche with Tu votes. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to Serge Reggiani with Ma Liberté, which was also interpreted by a lot of different artists, but one of them was Georges Moustaki. Then we're going to listen to Liberté from Charles Aznavour and La Liberté from Jean-Michel Karadec. Ma liberté, mon chant, je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle joie. Liberté, liberté. Qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre? Et voilà tes amis, ils étaient trop petits, et demain, le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents, et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour. Mais quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient expliquer, et c'était toi, liberté des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau, droit devant eux un jour s'en sont allés. Mais ils n'ont pas fait quatre pas que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas deux visages, liberté, l'un joyeux, l'autre grave? Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, de ceux-là qui t'ont cru sur parole? Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, fameux rêve des hommes, ils ne parlaient que de toi, ils ne vivaient que de toi, et c'est pour toi qu'ils prieront dans le ciel. Rien n'a changé dans leur cœur, ils n'ont pas froid, n'ont pas peur. C'est toujours toi, liberté, leur soleil. Et quand on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer, et l'un à l'autre ils se sont embrassés. Ils ont crié vive le roi, vive la reine et la loi, mais vive aussi, vive la liberté. Elle vient s'asseoir sur un banc, elle porte une broche d'argent. On dirait qu'elle a mis du noir sur ses cheveux blancs. Quelquefois elle montre les dents, elle sourit à peine aux enfants. Et quand un chien s'approche d'elle, ce n'est jamais qu'en passant. Elle fait des dessins dans le sable avec ses talons hauts. Sans faire exprès, elle enterre les miettes des oiseaux. Elle est toute habillée de noir, sans âge comme les sans espoir. Elle dit bonjour, un geste vague de sa main cantée de velours. Elle a comme une ride au front, les yeux fixés vers l'horizon, frontière de nulle part. Elle a dans le regard l'aube d'Espagne à Santiago, le vent de la colère et tout un peuple de corbeaux. Boulevard des Capucines, les fleurs avaient parfum de Chine. C'est elle qui portait le drapeau noir de ses enfants. Elle a la bouche résignée des femmes qui ont trop aimé, mauvais goût des adultères et des défaites passées. Elle a tous les enfants du monde sans avoir enfanté, mais ils portent nos espoirs et son nom Liberté. It was Serge Reggiani with Ma Liberté, then Charles Aznavour with Liberté, and Jean-Michel Karadec with La Liberté. Programming is supported by TubeBuddies. TubeBuddies uses no toxic chemicals, and they respect their employees by giving them a living wage and supportive benefits. You might not know that TubeBuddies also offers a range of eco-friendly household cleaning products. Whether you're looking for cleaners or sanitizers, wood polish or heavy-duty stain removers, you'll find them online at TubeBuddiesClean.com. Discover why the only thing better than one Betty is two Bettys. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Cassandre with Liberté, and it's the poem from Paul-Éloire. Then Isabelle Aubray with Liberté, and it's a live from 1981. And then the big classic, a very famous song from Nana Mouskouri, Je chante avec toi Liberté. I sing with you Liberty. Sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier au centre. J'écris ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mortes. Ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille est vide. J'écris ton nom sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni. J'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend. Sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté, liberté, liberté. le grand oiseau malade, liberté. On croit mât dans la vague, liberté. Mon étrange balade, ma guitare désespérée, aux doigts fous des nomades, liberté. Ma sombre déchirure, liberté. Mon amour sans parure, liberté. Dieu que le temps me dure, comme il ne m'a jamais duré, jusqu'à la démesure, liberté. À l'eau bleue des fontaines, liberté. Sans mesurer leur peine, liberté. Les peuples font la chaîne pour te conquérir. Entre leurs mains qui saignent, liberté. Ma prairie sans clôture. Liberté, on nous jette en pâture un semblant de ta vérité, où l'on te défigure, liberté. Par la force et la ruse, liberté, c'est toi qu'on nous refuse, liberté. Notre patience s'use, sachez que It was Cassandre with Liberté de Paul Éluard, Isabelle Aubray with Liberté, and Nana Mouskouri with Je chante avec toi Liberté. The COVID-19 pandemic has been hard on many of us. If you've lost employment or you're out of work, Ramsey County can help you find what's next. Get employment counseling, assistance with your resume, job leads and referrals, personalized guidance and support, employment action plans, access to virtual hiring events, and more. Step back into the workforce with confidence. Learn more and find out what's next for you at Ramsey County by visiting ramseycounty.us/next or call 651-266-9890. KFAI wants to help you get the word out about your event. We have a number of underwriting packages ranging from full sponsorship campaigns to single mentions in our on-air community calendar. Let us work with you to find the best fit for your budget. You can contact sales at kfai.org or call the station at 612-341-3144 to connect with our underwriting department and get your message on Fresh Air Community Radio. Now we're going to get into a section that is a little bit more reggae and with some song from Africa or from the Caribbean. The first song is from Sena Manot with Femme à Liberté, then Alpha Blondie with Journaliste en danger, and Datune with Ma chère Liberté. Pli bon modèle a toujours mon nom. Faut ma pote mi-temps, femme fleur cousimant. Sagesse et patience à tout moment. Faut ma liberté, faut ma force, faut ma liberté. C'est l'amour toujours attentionné. Femme ou c'est femme, copé belle femme, elle m'a tâté. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de silence, le même rituel sanglant, autant en emporte le vent, le sang appelle le sang. Cloîtré, tu vis derrière des murs. Les murs, je m'en arrange. C'est les restrictions qu'on donne à ma vie que je ne supporte plus. J'ai couru mais je ne peux t'attraper. Oh ma liberté. Qu'est-ce qui se passe? Les choses se cassent. Où sont les bases qui nous ont liés? Oh ma liberté. Même si tout n'est pas rose, malgré tout on ose combattre pour toi. depuis toi t'es fait et je laisse tout surveiller. À tous les coins de rue des caméras sont braquées. C'est qu'ils veulent voir des choses que même voudraient pas montrer. Mais c'est qu'ils donnent nos droits à commencer par notre liberté. Je te fais buter, bader, t'envoler, t'éloigner. Oh ma chère liberté. Je t'assure que j'ai couru mais je ne peux t'attraper. Tu as perdu la raison. T'aimes pas les gens quand tu les vois monter au fond. T'as l'impression que tu prends les bonnes décisions, mais en vérité tu répètes les expulsions. La liberté tu connais pas, je te donne la définition. Nous sommes pas dépendants de toi ni de tes factions. Ils ont vu que parquer les gens ça les rend fous. Ils ont su, mais ils n'y comprennent rien du tout. Ils chatent, ils causent, cachent des problèmes sous des tabous. T'étonnes pas, c'est notre monde, quel joli tableau. Je t'ai vu débattre, t'envoler, t'éloigner. Oh ma chère liberté. Je t'assure que j'ai couru mais je ne peux t'attraper. Oh ma chère liberté. Qu'est-ce qui se passe, des choses se cassent. Où sont les bases qui nous ont liés? Oh ma chère liberté. Même si tout n'est pas rose, malgré tout on ose combattre pour toi se lever. Parce que Nada est la tête. I'm man began to be weak, I couldn't see no sunshine. Only darkness in me, got none of my past a chance. We're mixed up, mixed up. Prison in a house of exile. I was stuck in pain, stuck in vain, stuck in the middle of a no man's land. No place to be found, no one else around. Blinded by the darkness, couldn't find you freedom. I'm begging you to hear my call. I'm begging you to take my soul. Please don't leave me all alone, 'cause I wanna go back. T'éloigner. Oh ma chère liberté. Je t'assure que j'ai couru mais je ne peux t'attraper. Oh ma chère liberté. Qu'est-ce qui se passe, des choses se cassent. Où sont les bases qui nous ont liés? Oh ma chère liberté. Même si tout n'est pas rose, malgré tout on ose combattre pour toi se lever. It was Senna Manotte with Femme à Liberté, then Alpha Blondie with Journaliste en Danger, Journalist in Danger, and that tune with My Chère Liberté, My Dear Liberty. Now we're going to listen to Pierre Aken from Gabon with Libérer la Liberté, then Les Nubians with Liberté, and a band called Les Yeux de la Tête with Liberté Chérie. Les Yeux de la Tête means the eyes and head, and it's often used as an expression saying it's very expensive. Because if it costs the eyes in your head, it's a high cost to pay. Santé pour tous, école pour tous, habitat pour tous, à manger pour tous, eau pour tous, électricité pour tous, travail pour tous, la route pour tous, sécurité pour tous, liberté pour tous. Libérer sans liberté. Pays-Pierre, Gaspillère, Hambourbe, la vie compliquée. Et tout fait chemin marié, quelle galère. Faut pas parler, oh, on est fiché, oh. Silence, le moral du cadavre, la paix de cimetière, oh, Balango. Libéré, la gomme a changé. Libéré, la liberté, rien que ça. Moi, moi, Benagina, Chérie, Was Pirakan with Libérer la Liberté, then Les Nubians with Liberté, and Les Yeux de la Tête with Liberté Chérie. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. The COVID-19 pandemic has been hard on many of us. If you've lost employment or you're out of work, Ramsey County can help you find what's next. Get employment counseling, assistance with your resume, job leads and referrals, personalized guidance and support, employment action plans, access to virtual hiring events, and more. Step back into the workforce with confidence. Learn more and find out what's next for you at Ramsey County by visiting ramseycounty.us/next or call 651-266-9890. Hey there, now it's time to talk about the events. So there's a couple of events this week. The first one is on Thursday, November 12th at 6 p.m. It's a French trivia night and it's organized by Cuckoo Minneapolis. So you can get some tickets at cuckoofrenchclasses.com. The categories are going to be history, geography, art, culture, francophonie, French language, French cuisine and traditions. The best player will win a cuckoo workshop of their choice. Then on Saturday, November 14th, between 9:30 and 11:30 a.m., there's going to be Le Petit Déj outdoors. It's organized by the Alliance Française, and you can get more information at afmsp.org. It will be in-person outdoor event in their parking lot as part of the outdoor event series En plein air avant l'hiver. Outdoor before winter. There will be a canopy with outdoor heaters. Outdoor tables and chairs will be available, but if you want, you can also bring your camping chairs. Reservation is required online, and there's the measure of safety required. There will be no buffet, and said volunteers will help to serve. They will distribute hand sanitizers, and the mask is required, of course. And don't forget, you always have movies online. The ParkwayTheatre.com is the one that has most choices in French at the moment. There's also the RiverviewTheatre.com. I also recommend to check out the Trylon.org, T-R-Y-L-O-N, and MSVfilm.org to see what they have to offer. Et voilà, back to the music. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to Selina Ramsauer with Ensemble, featuring Georges Seba et le Chœur Gospel de Paris. Then it's going to be Kids United with Ensemble, and Anaïs Delva with Libéré, Délivré, and it's from Frozen, La Reine des Neiges. Regarde, on n'est pas pareil, et pourtant le soleil brille pour toi et moi. Regarde, on a le même sourire quand on se tient la main sur le même chemin. Envie de vivre, envie d'être libre, se sentir léger, se sentir accepté. puis de paraître. Regarde, sous les doigts endoloris, la force et l'énergie d'avoir encore envie. Regarde toutes nos envies, le chemin de nos vies, c'est le seul combat important ici-bas. Envie de vivre. Pour tout le monde, j'ai envie de faire de cette terre l'Éden. Aussi vrai que notre terre est bien ronde, ta main dans la mienne, je t'emmène et on changera le monde. Ensemble, tu sais qu'on est. C'est qu'on est. j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je peux enfin respirer dans ce désert de neige. Adieu le printemps et l'été, je préfère mes sortilèges. Selina Ramsauer with Ensemble, featuring Georges Seba et les Chœurs Gospel de Paris, then Kids United with Ensemble, Together, and Anaïs Delva with Libéré, Délivré, from La Reine des Neiges, Freed and Delivered. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event, calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Gilbert Montagnier with Liberté, Liberty. Then Grégoire, also with Liberté. And Les Enfoirés with Liberté. Liberté, sous d'autres feux d'avenir. prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve, partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant, le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Liberté. It was three songs called Liberté. The first one was from Gilbert Montagnier. Second one was from Grégoire. And the last one was from Les Enfoirés. Hi there, it's me, CRZ. In addition to being the guy talking to you right now, did you know I also serve on KFAI's Content Advisory Committee? It's true. I was elected in 2019. The Content Advisory Committee works with KFAI's senior staff to guide decisions related to KFAI's programming. The committee includes KFAI's general manager and program director, along with the board of directors liaison and volunteers elected by the KFAI community. That's you. Any donor or volunteer member is eligible to serve on the Content Advisory Committee. We meet once a month for a couple of hours. If you're passionate about community radio and would like to help realize our vision of diversity, inclusion, and equity, please consider candidacy for the Content Advisory Committee. Applications will be accepted through Saturday, November 14th at 5 p.m. Committee members elected will serve a one-year term through 2021. More information is available at kfai.org/elections. Now we're going to listen to Liberté Chérie from Calogero. Then we're going to listen to Tété avec Votez pour moi, the acoustic version, and San Severino with De la liberté d'expression murale, the freedom of speech on walls. était m'est venu ce matin en me rasant. Je me suis dit, tiens, quelque chose de plus grand que nous s'impose à moi. L'appel d'une noble mission à la mesure de ma vision. Alternative de premier plan, moi président. Votez pour moi, de programme j'en ai pas vraiment. Votez pour moi, mais j'aviserai en cheminant. Heureux qui suivra mon refrain, je ne reculerai devant rien. Pour moi, votez pour moi. De ville en ville, conjure en l'ombre, j'irai tranquille au plus grand nombre, tel le pèlerin délivré, mon message serein. Le monde dira, dans mon sillage, ce gars sait soigner son ouvrage, pour fustiger des trucs au pif, lui créatif. Votez pour moi, j'accolerai le feu qui brûle. Votez pour moi, à ces pauvres gens qu'on accule. J'incriminerai l'eau qui mouille, crierai qu'on nous prend pour des nouilles. Pour moi, votez pour moi. Dis, faites ce que je vous dis. La veille du scrutin, on me prend la main dans le sac. Je n'irai tout regard mutin du tac au tac. Post-vérité, c'est mon segment, prémisse d'un printemps citoyen. Si je te dis qu'il est encore temps, c'est qu'il y a moyen. Votez pour moi, j'assènerai à qui veut l'entendre. 49-3, qu'en fait il n'y a rien à comprendre. Je restaurerai souveraine les seules valeurs qui tiennent les miennes. Pour moi, la beauté pour moi. Pour moi, la beauté pour moi. Pour moi, la beauté pour moi. Pour moi, la beauté pour moi. Que je vous dis, faites ce que je vous dis. L'institutionnalisation de la manifestation spontanée est une démarche transgressive pour les esprits égarés. légalisation des procédures pénales pour les obscénités, l'ivresse publique et les jeux de mots douteux. Nous demandons le droit à la calomnie et interdirons tous les discours d'ordre sanitaire et esthétique. Quiconque aura envie pourra écrire sur les murs des mots d'amour parlant de murs et autres fruits défendus plus ou moins mûrs, même sur les murs où poussent des murs. L'envie d'écrire le prénom de l'autre sur un mur de pierre, même s'il s'appelle Pierre, sera bien sûr autorisé. À ce moment-là, nous demanderons et obtiendrons une liberté totale d'expression murale. Des tournures hasardeuses et des phrases d'intérêt général telles que aimez-vous alors démission, non à l'orthographe, Becherel, non merci. Tout objet verticalement posé pourra devenir le support d'une tribune libre où tout le monde pourra donner son avis écrit. Ils pourront dessiner des cornues dans des postures de leur choix. Aucun risque pénal ne sera encouru par les auteurs de ces graffitis. Et des droits de visite seront distribués aux familles des auteurs écroués. It was Calogero with Liberté Chérie, Tété with Votez pour moi, and San Severino with De la liberté d'expression murale. Now we're going to listen to Les Fatales Picard with Et puis merde, je vote à droite. And crap, I'm voting for the right wing. Then Les Wampas with Faut voter pour nous, you have to vote for us. And Tagala Jones with Je suis démocratie, I am democracy. And this one was written after the Charlie Hebdo massacre. La France, pays d'assister, je les supporte de moins en moins. À commencer par mon voisin. Ah mais c'est sympa ce qui passe à la radio. Pourquoi je n'aimais pas ça, tout c'était idiot. Pourquoi toujours aider les gens? Mon chien préféré c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins ou des bateaux. Ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite juste pour savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite. Je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai. Ça me rendait malade, la fête de l'humain. Au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je revends mes disques de Jean Ferrat. Mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas si je dois être le seul atrio qui applaudit. Et puis merde, je vote à droite. Fini d'être culpabilisé. Fini partage, vive le mérite. Ceux qui foutent rien pas les statistes, chérie, de ça suffit pas, c'est pas assez. On va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi, ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer, sans fléchir. Mon chien va sûrement se mettre à m'obéir. Les poubelles ne seront plus renversées. Les mauvais éboueurs ne seront plus régularisés. Et tant pis s'il faut que je passe 15 heures par jour au bureau. Ça me gêne pas si on va supprimer les chômeurs en fin de droit. Et puis merde, je vote à droite. Les improductifs, pas de chance. Je suis fier, je vote à droite. Marre d'être taxé à outrance. Comme Florent Pagny, quitter la France. Faut voter pour nous, qui rate la Eurovision. Faut voter pour nous, ça nous change la laisse mon flot. Faut voter pour nous, il faut que la fête soit faite. Faut voter pour nous, au pays. Je suis un soldat de la prison. dire aussi, je suis n'importe qui, mais je sais qui je suis. Je suis fraternité, liberté d'expression, je suis laïcité, liberté d'opinion. Je suis liberté de culte, bien sûr aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas Marine, je suis démocratie. Je ne suis pas Poutine, oui je suis Charlie. Oui je suis Charlie. Je suis un enfant de la démocratie. Je suis libre dans soi, je suis anarchie. Je suis un soldat de la plaisanterie. Je suis caricature et ironie. Je peux mourir de rire, même si ça me dit. Je peux rire de tout, de n'importe qui. Chacun vivre libre, je suis insoumis. Je ne suis pas religion, je suis philosophie. Les Fatal Picard with Et puis merde, je vote à droite. Then les Wampas with Faut voter pour nous. And Tagada Jones with Je suis démocratie. Fresh Air Incorporated is seeking qualified candidates to serve on its board of directors. The board is tasked with envisioning the future of KFAI while working closely with the general manager to ensure that vision is realized. It has a major role in fundraising. It approves budgets and develops governance policies. It works to ensure that KFAI is inclusive, relevant, and financially secure. Our current environment challenges the future of nonprofit radio stations like KFAI. This is a working board, and it will need to work throughout the coming year if the station is to adapt, survive, and thrive. We are especially interested in motivated individuals with experience in fundraising, grant writing, finance, marketing, and technology. We also want to strive for diversity, equity, and inclusion in our applicant pool. If you are passionate about KFAI and the idea of community radio, and have the time and skills to contribute, please fill out the online application form at kfai.org/elections. You can also download a printable application there, or you can pick one up at the station. A board term is a 2-year commitment. The deadline to submit applications to be included on the ballot is Saturday, November 14th at 5 p.m. More information is available at kfai.org/elections. Now we're going to listen to Manu Solo with La Liberté, The Liberty, and Les Amis Gratteurs with Démocratie. Ma couenne de papier. J'ai joué déjà millions de tous ces petits corps si mignons. Sur ton vieux tableau noir. Pourquoi c'est comme ça? Égalité, tu veux redessiner Marianne dans les couleurs d'un monde sans ses lois. Sans armes, sous l'étendard. Fraternité, il y a les couleurs qui se perdent aux Méditerranées. Viens donc partager ma terre, je te raconterai ce qu'on fout là. Démo, démocratie, ta république perd son souffle. Démo, démocratie, c'est le retour des rois, j'étouffe. L'avait raconté au grand-père. J'irais mieux après la guerre. Moi je te promets, j'y croirai pas tant que je vois la misère autour de moi. Et président, il y a des chansons qui se perdent. 18 connards sur 100, mauvais arguments pour se taire. La plume ou l'épée, tu as le choix. La peur ou la paix, c'est toi qui vois. Démo, démocratie, ta république perd son souffle. Démo, démocratie, c'est le retour des rois, j'étouffe. D'ici là, on n'a qu'à refaire article 1er et 2e. Déclaration des droits d'un homme à mettre une grille à sa fenêtre.